ces cours soient retransmis. Concernant la retransmission, bien sûr, comme vous le savez, la chaîne qui retransmet les cours, c'est la chaîne Ahl al-Dhikr. J'ai déjà parlé de ça à plusieurs reprises. La chaîne Ahl al-Dhikr, comme vous le savez, ce n'est pas ma chaîne. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de chaîne personnelle avec mon nom et autres. Je suis bien en dessous de cela. Je n'ai pas de chaîne qui porte mon nom, qui ferait une biographie de votre humble frère. Et la chaîne Ahl al-Dhikr, c'est votre chaîne à tous. C'est une chaîne qui, à la base, retransmettait les cours de nos savants. Et à la suite, certaines personnes qui pensent le bien de votre frère ont pensé que c'était juste de retransmettre certaines de ces assises que nous faisons ensemble ici. Mais bien sûr, la chaîne continue à retransmettre les cours de nos mashayikhs, que ce soit de manière hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Et donc cette chaîne, c'est votre chaîne à tous, la chaîne Ahl al-Dhikr. Donc ce n'est pas ma chaîne, à moi, et ce serait très prétentieux d'appeler une chaîne qui me serait propre Ahl al-Dhikr, les gens du rappel. Donc c'est votre chaîne à tous, c'est la chaîne des musulmans, de la masse des musulmans, c'est votre chaîne à tous, barakallahu fikoum. Et bien sûr, il y a beaucoup de frères qui sont, beaucoup de frères entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs frères qui s'occupent de cette chaîne. Parmi ces frères-là, votre frère Kamel, jazallahu khairan, c'est lui qui retransmet le cours aujourd'hui d'ailleurs, qui est fermé. Donc la chaîne Ahl al-Dhikr, comme je le disais, qui est votre chaîne à vous. Barakallahu fikoum, à vous tous. Et donc il y a plusieurs frères qui s'occupent de la chaîne. Jazakumullahu khairan. Votre frère Kamel, le frère Abdallah qui est là aussi aujourd'hui, qui n'était pas là la semaine dernière, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de retransmission. Hafidallah. Il y a plusieurs frères aussi, le frère Amazir qui est aujourd'hui à Mecca pour ses études. Et autre que cela, parmi les frères, parmi les choses qui sont retransmises aussi sur la chaîne, il n'y a pas que des assises que je fais ici avec vous à la mosquée ou autre que dans cette mosquée. Il y a aussi d'autres cours qui sont propagés et à leur tête, certains cours de certains de nos mashayikhs, parmi eux notre shir Samir Al-Qaisi, Hafidahullah Ta'ala Abu Hassan, qui fait partie des étudiants proches de Al-Allama Rabi' ibn Hadi, Rahimahullah Ta'ala, et avec qui nous aurons un cours, un appel téléphonique, Inch'Allah Ta'ala, ces prochains jours. Inch'Allah Azza wa Jal. Et autre que eux, parmi les mashayikhs, lorsque l'occasion se présente. Donc, ceci pour nous rappeler que cette chaîne Ahl al-Dhikr, qui n'est pas ma chaîne, qui est votre chaîne à tous, est la seule chaîne qui propage. Hein? Un peu plus bas? Qui propage ces assises et parfois des traductions que l'on peut faire et autres. Et donc, c'est la seule chaîne sur laquelle je peux être interrogé. C'est-à-dire que je suis responsable de ce qui se passe sur cette chaîne. Autre que celle-là, je ne suis responsable en rien. Je m'occupe d'aucune autre chaîne. Et même si ce sont des gens qui vont propager quelque chose que j'aurais traduit ou un cours qu'on aurait fait ici à la mosquée, quelle que soit cette chaîne, je ne m'en occupe pas. Donc, il ne faut pas faire une analogie et s'empresser de faire cette analogie, de se dire que telle chose est propagée sur telle chaîne avec les cours du frère, que ce soit même la chaîne de la mosquée, qui est la chaîne de votre frère Yaqub, la chaîne de la mosquée. Ce qui se passe dans la mosquée, bien sûr, j'ai une part à ce sujet. Ce qui se passe au niveau des cours, au niveau de ce qui se passe de manière générale dans la vie religieuse de la mosquée, sans aucun doute, dans la mosquée. Mais ce qui se passe sur Internet, ça, je n'ai aucune part. Et autre que cela, parmi toutes ces chaînes qui pourraient propager et qui pourraient avoir la bonne pensée sur votre frère, je n'ai aucune part dans cela. Donc, il ne faut pas s'empresser de faire une analogie en se disant « telle personne a propagé en même temps que Abdus Samad, donc Abdus Samad recommande cette personne-là ou agrée cette personne-là ou autre. » Non. La seule chose sur laquelle je peux être interrogé, c'est ce qu'il y a sur la chaîne Ahl al-Dhikr, qui n'est pas ma chaîne, qui est votre chaîne à tous, qui est notre chaîne à tous. Barakallahu fikoum. Et comme je l'ai dit, ce serait vraiment prétentieux d'appeler une chaîne qui me serait propre Ahl al-Dhikr. Et comme cela, ce n'est pas pour quelqu'un comme moi d'avoir une chaîne qui serait à mon nom, etc. etc. Barakallahu fikoum. Une autre chose par rapport à ces réseaux, etc. Donc c'est quelque chose que, sans aucun doute, il y a du profit. Certaines personnes peuvent écouter le cours aujourd'hui, on peut écouter les cours des savants à distance, ou alhamdoulillah, c'est un grand bien. Mais encore une fois, comme je le dis, sans exagérer dans ces choses-là, et sans s'étaler sur tous ces réseaux qu'il peut y avoir, et comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises de moi, le fait que ces choses-là, c'est quelque chose que pour la plupart, je n'agrée pas, et je ne recommande pas. Et je ne recommande certainement pas aux jeunes de rentrer sur ces réseaux-là, de la manière dont ils rentrent sur ces réseaux-là. Barakallahu fikoum. Et le fait, en fait, de penser qu'il y a un consensus des savants. Certaines personnes lorsque tu leur dis, délaisse ces choses-là, TikTok, etc., etc., délaisse, tu dis, ouais, mais Cheikh Antel, il dit, ou il fait, ou etc., etc. Comme s'il y avait un ijma', comme s'il y avait un consensus sur cela. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a un parmi les savants qui va recommander ou qui va faire sur cette chose-là, qu'il y a un consensus, qu'à chaque fois qu'on te dit, délaisse cette chose-là, ou on te donne le concept de cela, tu nous dis, les savants, ou étudie de cette manière-là, les savants, avec un grand L, les savants, tous les savants. Non, il y a encore quelques mois, j'étais avec un de nos mashayikhs, des gens de la Sunna, qui disait « Beloved, tfou, TikTok. Ah, pour ce qu'il y a de mal sur ces réseaux-là. Hukka lahum. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est laisser à l'appréciation et à l'effort du savant qui va recommander ou faire ces choses-là, mais sans aucun doute, il ne faut pas penser qu'il y a un consensus et on dit « les savants, ils recommandent, les savants, ils disent, etc. etc. » comme si celui qui va délaisser ces choses-là, c'est quelqu'un qui est étrange, qui s'est détaché des savants, de la compréhension des savants. Non, ce n'est pas vrai. Une dernière chose, il ne faut pas penser que c'est parce que je ne suis pas sur ces réseaux, ni Facebook, Twitter, etc., etc., etc., etc., que je ne connais rien de ces choses-là. Ça, c'est une erreur. Et ce n'est pas parce que dans une assise ou autre, j'ai réfléchi à propos de comment ils disent retweeter ou reliker ou etc., etc., les termes que je n'ai pas forcément en tête, que je ne les connais pas, je ne sais pas ce qui se passe sur ces réseaux-là. Bien sûr, je n'ai pas un suivi journalier de ces réseaux-là, sans aucun doute, parce que je ne suis sur aucun de ces réseaux, wallah alhamd, et vraiment, je vous conseille de délaisser ces réseaux-là et de vous mettre à l'apprentissage de la science réellement, et la science comme on l'a entendu il y a déjà 2 semaines de cela, à propos de l'apprentissage des livres, dans les livres de science et auprès des savants, vous avez la méthode, vous avez la méthodologie, cette méthodologie que nous avons étudiée en science, dans l'étude du livre de Cheikh Abdeslam ibn Barjes et autres, que cela parmi les assises que nous avons fait précédemment. Donc délaisser ces réseaux qui ramènent un plus grand mal pour la plupart d'entre eux. Quand je dis délaisser ces réseaux, ça ne veut pas dire de délaisser l'Internet sans condition. Il y a des choses qui sont profitables, comme par exemple certaines chaînes Telegram de savants, peut-être sur des sites Internet, peut-être sur certains réseaux, quand la personne se contente à ça. Mais quand tu vois, et chacun, il connaît sa propre personne. Chacun de nous, il est Amir ou Nafsihi. Si il sait que quand il va sur ces réseaux en prétendant qu'il va profiter des cours des savants et autres, etc., etc., mais qu'il va commencer à dévier et aller sur ce geste-là qui est assez simple sur les iPhones et autres, et commencer à aller sur une chose que Allah Azzawajal n'agrée pas, ou au moins une chose qui a un mal. Et je dis cela aussi parce qu'il y a quelques jours, un frère m'a envoyé la vidéo d'une personne, je pense qu'un autre frère me l'avait envoyé comme ça sur le WhatsApp, la vidéo d'une personne qui a apostasié, qui était musulman, wal'iyadu billah, qui a apostasié, qui était même un étudiant en sciences d'après ce qu'il prétend. Quoi qu'il en soit, Yul Ikhwan, ça, ce genre de vidéo, qu'est-ce qu'il y a comme bien de partager ça? De partager ça à vos frères musulmans. Et cette personne-là, dans cette vidéo, elle rapporte ses ambiguïtés et pourquoi elle a quitté l'islam. Ça, c'est très dangereux. En plus de cela, il rapporte... Je n'ai pas écouté la vidéo. Le frère me demande si je connais cette personne-là parce qu'il est passé dans des endroits où j'étais, à des moments où j'étais. Donc j'ai mis la vidéo, j'ai écouté 1 minute ici, 1 minute là et j'ai fermé. Pour répondre à la question du frère. Quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle raconte son expérience et il rapporte pourquoi il a délaissé l'islam et il vient rapporter des preuves que ce sur quoi il est la vérité. Qu'est-ce qu'il y a comme bien de partager cela? Plusieurs personnes me l'ont envoyé à Yul Ikhwa. Et je pense que certains d'entre vous l'ont même reçu. Qui a reçu une vidéo comme ça, il y a quelques jours? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a reçu une vidéo comme ça? Quelqu'un qui est devenu prêtre même? Hein? Tu l'as reçu? Certains de vos frères l'ont reçu. Ils parlent en français, cette personne-là. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de bien à partager ce genre de choses. Vous vous rendez compte, sur les réseaux, ils vous proposent même ce genre de vidéo. Ils vous proposent. Faites attention, préservez votre religion. Préservez votre religion, barakallahu fikoum. Mais comme je l'ai dit, à l'inverse de ce que pensent certains ignorants, que je ne connais rien du tout de ce qui se passe sur les réseaux, ceci est faux. Et c'est justement parce que je sais ce qui se passe sur ces réseaux que je prends cette position-là par rapport à ces réseaux. Barakallahu fikoum. Donc craignez Allah Azza wa Jal, fi sirri wal alan, en secret, comme en apparent comme en secret. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et cherchez et encouragez-vous les uns les autres et recherchez les uns les autres ce qui est bon pour vous dans votre religion. Ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. Et c'est bien comme cela qu'on pourra réaliser At-Tawhid, ayyuhal ikhwa, comme je l'ai répété, comme on va le voir encore une fois aujourd'hui. At-Tawhid, tu le réalises dans toutes les facettes de ta vie. À chaque fois que tu viens te positionner, te mettre devant une action à œuvrer ou délaisser un interdit, tu dois te demander, ou délaisser une chose, de manière générale, tu dois te demander qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée. C'est bien ça le sens de l'ibada. C'est bien ça ou pas le sens de l'ibada, ayyuhal ikhwa. Toute œuvre et action, ou parole et action, apparente ou cachée, qu'Allah aime et agrée. L'ibada. Donc à chaque fois que tu vas œuvrer quelque chose, tu vas te demander est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala aime et agrée cette chose-là. C'est comme cela qu'on pourra réaliser at-tawhid. L'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous allons le voir aujourd'hui. Excusez-moi, je me suis un petit peu étalé par rapport à cela. Barakallahu fikoum.